que l'on s'oubliera. Crois-tu vraiment que je pense encore à toi? Et où on s'est vu déjà? Sans perdre pied, j'ai défilé et j'ai eu le choix. L'amour ne s'attache pas, ne s'avoue pas comme autrefois. Tu peux baisser les bras. Ni chaud ni froid. Est-ce que tu as vu entre nous? J'ai déjà changé les draps. Mais où on s'est vu déjà? Qu'est-ce que tu fous là? À quoi tu joues? C'est une partie que tu ne gagneras pas. Tu peux baisser les bras. Se Cette pièce instrumentale de Télécolor de Sudbury, qui s'appelle À terre, nous amène bien sûr à notre bloc instrumental, un petit 15 minutes comme ça, où ce qu'on fait, on donne de l'espace aux musiciens hein, qui ont souvent de la misère à se faire reconnaître. C'est pas le cas du groupe qu'on va entendre dans quelques instants. Dans les années 90, fin 90, début 2000, il y avait une gang d'étudiants de l'Université de Moncton en musique qui ont formé, qui ont créé la formation El Fuego. Et ils faisaient du jazz latin assez rythmé, assez énergique. Et bon, il y a des grands musiciens là-dessus, entre autres François Aymon qui a joué avec Ode à l'Acadie. Il y a aussi Jesse Mea qui joue avec plusieurs artistes, dont Danny Boudreau. Donc, El Fuego a sorti deux albums, El Fuego et Salsa. On va aller dans le désordre, si vous voulez bien. On va jouer une pièce de salsa qui s'appelle Aller-retour. Très énergique, très latino. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et par la suite, on va jouer une pièce de l'album El Fuego qui a été écrit par François Aymon. Ça s'appelle Plage. Donc, on va entendre ces deux pièces-là. Pourquoi qu'on va entendre ces deux pièces-là d'un groupe qui n'existe plus? Ben, ils vont se réunir, et oui, ils vont se réunir le 23 mars prochain du côté de Moncton. Il y aura un spectacle de El Fuego, ils vont se rencontrer et offrir une belle soirée. Donc, avis aux intéressés, mettez ça sur votre calendrier, concert à Moncton le 23 mars prochain de El Fuego. Ça risque d'être fort intéressant. Par la suite, on va entendre, après ces deux pièces-là, on va entendre M. Benjamin Deschamps Quintet. M. Benjamin Deschamps, qui a son quintet, qui a son big band, qui a son trio, faisait partie de la série de spectacles Music Offered, Offered Music, et, oui, bien sûr, pour 2018-2019. Il était en spectacle la semaine passée. Donc, en trio, un spectacle jazz qui s'appelle « Saxophone exalté ». Donc, on va entendre une pièce qui s'appelle tout simplement « Monelia ». Très bonne pièce de Benjamin Deschamps.